philosophe, médecin, résistant, Georges Canguilhem, ou Canguilhem, selon qu'on adopte la prononciation de sa région natale dans le sud de la France, à Castelnaudary. La philosophie, c'est l'histoire de la philosophie aussi, c'est aussi les livres de philosophie, et ce sont aussi évidemment les philosophes. Et parfois la vie des philosophes. C'est une grande question de savoir en quoi on peut rapporter la philosophie en général et la philosophie d'un penseur singulier à la vie et à sa vie en particulier. Parlons aujourd'hui d'un philosophe pour lequel cette tentation de relier sa vie à son œuvre est irrésistible. Centrale, fondamentale, une leçon probablement pour tout le XXe siècle et le XXIe qui le redécouvre aujourd'hui centralement, et en même temps une tentation à laquelle lui-même s'est opposé, à laquelle il a résisté, même s'il a donné des indices indirects. Il s'agit de Georges Canguilhem, né la même année que Sartre ou Lévinas, et de la même promotion que Sartre à Rouen, Merleau-Ponty, à l'École normale supérieure par exemple, et à l'agrégation de philosophie. Mais Georges Canguilhem qui a construit une philosophie de la médecine, une philosophie politique implicite, une histoire des sciences, mais qui a lui-même bifurqué vers la fin des années 30, quittant à la fois la philosophie pour la médecine ou la complétant par la médecine, abandonnant aussi le pacifisme de son maître Alain pour s'engager dans une critique politique qui a conduit ensuite à son engagement dans la résistance aux côtés notamment de son ami Jean Cavaillès, chef de son réseau fusillé en 1944 par les nazis. Georges Canguilhem, donc philosophe de la vie comme, je cite, « lutte contre tout ce qui est de valeur négative, de la vie qui, comme le dit son, le titre de son grand livre de 1943, sa thèse de médecine, le normal et le pathologique, la vie qui est ce qui résiste à la maladie, en particulier avec le secours de la science humaine ». On a envie de rapprocher cette philosophie de la vie avec sa pensée, avec son action, à la fois devenir médecin lui-même et ne pas rester un philosophe qui parle de, mais qui s'engage dans la médecine, et d'un autre côté, lutter dans la résistance. Pourtant, Canguilhem n'a jamais fait ce lien pour lui-même. Il a toujours étudié la vie à travers l'histoire des sciences, à travers aussi une revendication de rigueur théorique et non pas d'expérience existentielle immédiate, s'opposant à ses contemporains Sartre et Merleau-Ponty qui cherchaient à décrire l'expérience humaine sans passer par l'histoire de la science. Une sorte de rigueur aussi qui n'a jamais mis en avant sa propre activité de résistant, mais a, dans des discours admirables rassemblés sous le titre « Vie et mort » de Jean Cavaillès, a montré comment l'action de Cavaillès, philosophe mathématicien, ne relève peut-être pas justement d'une résistance du vivant, mais d'abord d'une logique de la nécessité politique de lutter contre l'injustice. Cavaillès résistant par logique. Et pourtant, il y a quand même quelque chose de commun entre tout cela. D'abord, Georges Canguilhem dépasse l'opposition entre la philosophie des sciences et celle de l'existence, justement par l'idée que la science est encore une activité humaine qui rencontre encore du négatif, par exemple l'erreur, et que donc l'histoire des sciences est encore une activité des vivants, même quand elle découvre des conditions théoriques de la vie en général. Et puis finalement, l'activité de résistance humaine, qui n'est pas une activité identique à la résistance à la maladie, qui est une activité de résistance à l'injustice, de contradiction avec l'universel de la philosophie, c'est encore une confirmation indirecte de sa philosophie, sans mélange des genres, dans le fait que la vie de ce philosophe confirme sa philosophie de la vie.